Bonjour. Vendredi le 6 mai 2022. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Il n'y a pas grand monde. J'ai pas beaucoup de temps ce matin. Nous avons une heure. Nous avons à peu près une heure, là, vers 9h15. Je vais devoir commencer à fermer ça. J'ai beaucoup de choses aujourd'hui. Puis, même, c'est presque un addon, là, qui fait que je peux faire un direct aujourd'hui, là. Parce que là, c'est ça, j'attends quelqu'un pour vers 9h30. En plus, faut que je prenne rendez-vous avec la comptable. Il y a un paquet de choses ce matin. C'est quoi ça? J'ai un voisin qui n'a pas toute sa tête, je pense. Ah, oh, c'est un chien qui hurle. C'est le chien, vous ne me croirez pas, mais c'est au troisième étage. Il y a un chien qui est enfermé là. Il y a un Français ici. Il vit avec un chien dans un 3,5. J'avais suggéré à la propriétaire de visiter l'appartement parce que ce chien-là sort pas beaucoup. Bien curieux de voir l'état de l'appartement. S'il ne ferme pas sa gueule, d'ailleurs, ça se peut que j'aille la voir ce matin. Bon, on va attendre qu'il arrête, là. Il va m'arrêter un jour. Bon, c'est fini. Maudit chien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. Je vais attendre que les gens arrivent, puis on verra. On verra de quoi vous autres vous voulez parler. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. C'est vendredi, donc bonjour, cellule A. Donc, oui, faut que je prenne un rendez-vous avec la comptable. J'ai des petits retardements. Vous savez que je poursuivais. Bon matin, Marie-Paul. Que je poursuivais un bonhomme, là, une compagnie, il servirait de bord, là, puis bon, il va falloir que je sorte mes jokers puis je dépose ça au dossier. C'était un petit peu prenant, là. Il y a une juge, elle avait pris une décision en ma faveur, pas pire montant, mais lui, bon, il a contre-attaqué, là. Bonjour, Virginie, Stéphanie, Chani, Chanis, Chani. Calista. C'est drôle, ça me rappelle l'actrice qui animait l'émission que j'écoutais pas. Là, elle n'animait pas, je vois dedans Calista Flockhart. Je sais pas, elle est rendue où elle, peut-être qu'elle travaille chez Taco Bell. Bonjour Christy, Carole. Donc, j'avais rien de spécial, mais comme je vous dis, on a une heure. On a une heure, j'ai pas beaucoup de. Vers 9h15, là. Là, je vais devoir mettre fin, j'aurai pas le choix. De toute façon, ça va être une journée chargée aujourd'hui. Donc, bonjour, Michel. Ah, Michael. On va dire Michael. Vous préférez peut-être Michael. On va dire Michael. Donc, si jamais là, vous avez des choses là, que vous voulez me demander, c'est le temps. C'est le temps, c'est improvisé comme d'habitude, là, mais comme je vous dis, j'ai une journée qui s'annonce un petit peu déplaisante, dans le sens que bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je voulais quand même faire un live parce que j'avais le temps. C'est tellement rare que je peux, là, puis que je suis seul un bout de temps, là. Mais comme je vous dis, on a une heure. Mais il faut le faire. Depuis que j'ai déjà eu. Il y a eu une époque où je vivais dans un endroit, là, c'était vraiment beau. C'était vraiment joli, là, où je vivais au-dessus des bureaux. J'avais une vue extraordinaire. Puis, tout un appartement, c'était quelque chose, des temps meilleurs. Puis, la journée où finalement je suis déménagé de là, j'ai emménagé dans une maison avec une dame. Je ne le savais pas, mais j'aurais pu jamais la paix pour une décennie et plus. Et puis j'allais avoir une vie complètement que je suis jamais tout seul, que j'ai jamais la paix. Que, oh, en tout cas. Que penses-tu des grands salaires minimum? Petit salaire minimum, mec, les classiques solaires, oh, rien. Je vais être franc avec vous, je ne pense à rien de ça. Céline, l'avez-vous lu? Jeanne, le cri primal, non. Je me souviens de la mode, les thérapies liées aux cris primales qu'il y avait dans les années 80. Des gens qui retournaient, si on peut dire, ils remontaient le fil de leur naissance. Je peux pas vraiment dire ce que je pense de tout ça, mais je l'ai pas lu, le monsieur. Je l'ai pas. Je sais, c'est de lire, ça fait longtemps, mais d'après moi, c'est pas d'hier, ça, hein? Mais c'est comme l'affaire, les cycles solaires, puis tout. Ce qui est intéressant dans le supramental, c'est que c'est pas comme les groupes de nouvel âge ou d'ésotérisme, ça n'a rien à voir, puis j'ai pas de préoccupation comme ça, vraiment. Mais un n'empêche pas l'autre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là qui font partie d'une culture populaire, qui est devenue populaire, entre guillemets, là, dans les années 70-80, il y a eu un de l'intérêt pour toutes sortes de choses. Moi, cet intérêt-là, je ne l'ai pas. Puis même, comment je pourrais dire ça? Moi, c'est certains aspects beaucoup, beaucoup plus concrets dans la vie de tous les jours de l'occulte. Oui, les cycles solaires, c'est certain que. Il y a des choses de liées à ça, il y a des choses à. Mais si je peux pas. Bon, en tout cas, le monde, il pense que. Il y en a qui pensent que les milieux du supramental, c'est lié au nouvel âge, pas à l'ésotérisme. Oui, dans certains cas. Parce qu'on peut dire, il y a des choses auxquelles on n'échappe pas, puis des groupes, puis du monde, il y en a de toutes les sortes. Mais ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme ou le nouvel âge, ce dont je parle. Donc, il y a des choses, je suis pas au courant. Je suis pas au courant de ça. Même dans le temps que j'étais proche du milieu culturel un petit peu, j'ai eu affaire à des gens qui étaient versés dans les arts, des artistes ou des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Puis ils sont beaucoup, beaucoup dans l'ésotérisme. Puis j'ai un dédain automatique. Je me rappelle une fois, on m'avait invité à des champs de boules de cristal. Puis j'ai quasiment insulté la dame, là. J'étais en colère. Elle disait, moi, c'était en ce temps-là, en plus que c'était les premières fois où j'étais sensible comme ça, puis j'avais de l'information, puis j'étais à fleur de peau avec le matériel que je recevais à l'interne, si on peut dire. Puis elle m'avait sorti ça, elle dit, c'est pour aider les vibrations de la Terre, on va aider à changer les vibrations de la Terre. Puis j'y m'étais choqué. J'avais dit, vous voyez tout à l'envers, c'est la planète qui va vous changer, vous. Vos vibrations, c'est la planète qui mène, pas vous. Dans le sens, vos histoires de boules de cristal, je trouvais ça ridicule. Puis, je m'étais pas gêné pour le dire. Je leur disais que c'était des niaiseries, puis que ça changerait rien, puis que c'était comme des enfants qui se comptent des histoires. Puis bon, je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose là, mais l'être humain très sensible va se mettre à jouer avec sa propre sensibilité, puis là, il se met à se mettre lui-même en vibration, parce qu'il connaît pas la mécanique, puis il se met à se fasciner lui-même avec des affaires. Puis il tombe dans le nouvel âge, j'allais dire le moyen âge. Ces choses-là, d'aller faire chanter des boules de cristal, moi, pour moi, c'est des affaires pour les enfants d'école. C'est une métaphore, mais c'est ça pareil. Mais là, je ne suis pas en train de faire une comparaison avec ce dont vous me parlez. Mais bon, pour vous. Moi, être franc avec vous, là, ce que j'ai vu là, par rapport à notamment l'ésotérisme, puis c'est du monde pas mal endormi, à mes yeux. Souvent, là, comme il y en a une, je me rappelle, elle vendait des affaires. Elle était dans le domaine corporatif de la ville, si on peut dire, là, les chambres de commerce, puis tout ça, mais elle avait un commerce où elle vendait vous savez, des affaires, des petites roches, puis des histoires liées aux anges, des affaires de même. Puis je me rappelle, j'étais en train de lui parler à l'extérieur parce qu'elle était sortie de son magasin pour fumer. Puis je lui avais demandé, j'ai dit, les anges, il n'y en a pas un pour arrêter de fumer. Parce qu'elle vendait des roches un puis l'autre. Puis là, ça, c'est tel ange, tu l'invoques pour telle affaire. Mais c'est rien qu'un business, là, elle, c'était de faire de l'argent. Finalement, elle est obligée de revendre sa boutique. Pourquoi? Parce qu'elle était malade. Elle est devenue malade. À un moment donné, là, ces affaires-là, il va falloir. Voyons, le chat bouge pas gros. Le clavardoir. À un moment donné, il va falloir allumer qu'on est naïf. C'est des affaires, puis il y a de l'hypocrisie là-dedans. elle était dans les anges puis dans une petite roche, pas parce qu'elle savait que c'était réel, mais parce qu'elle voulait faire de l'argent avec la naïveté des autres. Fait que là, sa clientèle, je vais être franc avec vous, c'est un paquet de monde. C'est une des madames qui avait le cancer puis qui faisait de la chimiothérapie là, puis qui venait se rassurer en faisant brûler de la sauge. Je pense acheter des petites statues d'anges tout nus, des petites roches puis en invoquant des anges. Puis ça, c'est des histoires pour les enfants quelque part. Je parle des enfants psychiquement, des enfants. Il va falloir à un moment donné tourner le dos à ça, dans le sens qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que toutes ces choses-là, il y a de la naïveté là-dedans. Il y a de la naïveté là-dedans, puis c'est à cause de des chocs de vie que vous allez lâcher ça à un moment donné, puis aller vers plus haut que ça, à la source des phénomènes. On n'est pas pour passer notre vie dans des niaiseries. C'est quasiment des contes pour enfants, ces affaires-là. Qu'on voit dans ces magasins-là, Nouvel Âge, comme toutes les thérapies alternatives, tous les modes qu'il y a eu. À un moment donné, bon matin, Todd. Oui, il va falloir que ça cesse, dans le sens que ça va arrêter tout seul. Les gens, par la force de déception puis de colère, ils n'ont pas le choix de vivre de la colère à un moment donné. Il y en a bien de ces clientes-là qui allaient là, qui étaient, je les regardais, elles étaient toutes enflées par la chimiothérapie. Puis, je le savais, moi, à ce moment-là, que c'était juste une activité de compensation, leurs histoires d'ésotérisme, puis de bon. Qu'est-ce que vous voulez? Puis, justement, la dame qui avait le commerce, comme je vous dis, elle est tombée malade. Elle n'a jamais cessé de fumer, puis elle est tombée malade. À un moment donné, rendu 60 ans passé, fumée. Il aurait fallu arrêter avant. Le mal est fait, le plus gros du mal est fait. Puis bon, les petits anges, après, elle le savait au fond, c'était son commerce, c'est pour faire de l'argent. Elle le savait que ça, il n'y a pas invoqué un ange qui va l'empêcher de fumer. Elle, c'était un job qu'elle, elle avait à faire. Puis elle l'a pas fait, c'est comme si c'était pas dans sa programmation. Mais d'abord, elle n'aura jamais brisé aucune programmation. Bonjour Mathilde. C'est là qu'il n'y a pas d'évolution, puis souvent, ben tout ce qui est de la spiritualité, ça fait partie de la naïveté de l'être humain, puis il évolue pas. Ça le bloque, ça l'empêche d'évoluer. C'est bien beau, cette histoire-là, elle, tant qu'elle faisait de l'argent puis qu'elle était confortable, elle s'achetait ses cigarettes, puis elle prenait sa bière le soir. Mais c'est sûr qu'elles ont fini par... On peut pas vivre de même tout le temps. Voyons donc, à un moment donné, là, rendu proche de 70 ans, la machine lâche, puis c'est jeune. C'est jeune, 70 ans. Moi, ça me choque, en tout cas. J'aimerais qu'on parle des rêves. Je me bats contre des gens en plein de trucs. Depuis une semaine, je me réveille, j'ai mal dans la nuque. Ah oui. C'est sûr. Ben, c'est possiblement lié à ce que vous vivez dans votre vie. Moi, j'aimerais bien, mais là, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps. Ça dépend, là, au fil de ce que vous allez me sortir, les gens, puis... Hydre-dose. À 44 ans, je me suis fait baptiser car j'ai eu une vision de Saint-Jean-Baptiste au bout de 2 ans. Ma voix m'a dit sèchement, alors as-tu trouvé Dieu? Non, car Dieu n'est pas dans les églises. Ben, c'est dit, hein, brise la pierre, puis tu me trouveras, c'est pas dans les bâtiments de pierre. Puis... Moi, ben, vous savez, c'est parce qu'il y a une affaire qui s'appelle le haut astral des visions, tout le monde peut en avoir, là. C'est des formes de... Ça peut être des formes de mentisme. Si êtes-vous impressionné par ça, là, ça va se mettre à gouverner votre vie. Bonjour, Thérèse. Donc, Marie, horreur très inhabituel. Oui, j'ai 1 heure ce matin. Puis le reste de la journée, je vais être obligé de... Peut-être même cette fin de semaine. Là. Quoique, je n'aurai pas le choix de... Cette fin de semaine, de faire autre chose. Il y a des choses qui vont être fermées. Mais... Aussi, il faut que je fasse attention parce que je ne ressens pas la fatigue. Je ne suis jamais fatigué au sens de mon ressenti. Puis sans m'en rendre compte, après 2 heures, je suis fatigué puis je ne m'en rends pas compte. Puis là, c'est moins intéressant. Puis même la dernière fois, le 6 heures et plus avec David Lévesque, je ne m'étais pas rendu compte. Ben, je voyais, je regardais l'heure, mais je ne le sentais pas, la fatigue. Je ne sentais pas non plus la faim. Ça, c'est bien déplaisant. Quelqu'un qui ne sent pas le sommeil, qui ne sent pas la fatigue, qui ne sent pas la faim, qui est capable de bloquer son métabolisme, ben là, je peux rester 8-9 heures comme ça à parler. Mais le problème, c'est que ce n'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour ma santé. La fatigue, même si je ne suis jamais fatigué, que je ne le ressens pas, le système l'apprend à lui. Puis je finis par être. Bon, je peux pas parler. Mais l'affaire, là, j'aimerais qu'on parle des rêves. Je me bats contre des gens. Faut tout le temps se ramener à la matière, dans le sens, c'est quoi vous vivez dans votre vie en ce moment, comme vous dites là, depuis une semaine. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie ou il s'en vient quelque chose? Ou de se faire baptiser à cause d'une vision de Saint-Jean-Baptiste? C'est étrange parce que Saint-Jean-Baptiste, il baptisait des adultes dans le Jourdain. Puis l'Église, eux, c'est pas ça, là. Donc, ça, c'est d'une interprétation de votre vision. La vraie baptême, là, c'est l'esprit, hein? C'est ça, la colombe au-dessus des têtes. Connais-tu Xavier Chico Hall, le médium? Oui, puis pour être gentil, je vous dirais pas ce que j'en pense. J'ai pas vraiment d'intérêt pour ça. Les médiums, c'est des canaux pour l'astral, parce qu'il y a certaines forces qui ont voulu que certains mouvements se fassent, mais non, je ne l'ai pas lu, puis mais je sais de quoi vous parlez. Bonjour, est-il vrai qu'au Canada, des enfants ont été vaccinés d'une certaine façon, oui, par des ordres de la cour? D'ailleurs, j'ai eu connaissance d'une affaire, le père se bat, là, il essaie d'en faire en sorte de préserver ses enfants, mais il ne gagnera pas. Là. Le système n'est pas de son bord. En résumé, l'esprit s'enferge dans le tapis de sa mémoire enregistrée. Ouais, mais c'est pas sa mémoire enregistrée, c'est pas la mémoire enregistrée de l'esprit. Ça, c'est l'âme. Donc, on pourrait dire l'esprit s'enferge dans l'âme où il est bloqué par elle. C'est dans l'âme la mémoire. Donc, la sienne et celle de la planète, des fois, ils ont le tapis de belles décorations, mais c'est quand même une crise de tapis, c'est ça. Mais un tapis, c'est là pour. Des fois, un plancher de béton froid et dur, ce serait trop. Donc, ça prend un tapis. Je sais pas si Stéphanie, j'ai pas le temps de vous lire. Que pensez-vous des soins énergétiques? Pas grand-chose. Il y a un support extérieur au niveau de soins énergétiques. L'être humain serait censé être en tant que centrale énergétique. S'il se reconnecte avec sa source, il n'est pas censé se faire soigner par les autres. Mais on vit dans un monde où on a besoin des fois d'un support extérieur pour se rééquilibrer. Mais là, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. J'en ai connu des ramancheux, puis des guérisseux, puis la plupart, là, ça marche une fois sur trois, puis ça dépend là, de quoi il est question. C'est quoi les soins énergétiques? J'en ai connu tout qui faisait du magnétisme. Moi, je n'ai jamais demandé de soins, là, mais. Donc, bonjour de France à vous, hôtes du Québec, bonjour à vous, Samir. Mathilde Chamin, drôle de sensation depuis quelque temps, j'ai comme des frissons ou électrisation du corps. J'ai l'impression que c'est en lien avec de fortes magnétisations astrales. Ben, possiblement. L'astral, c'est magnétique. C'est lié à les aspects magnétiques, entre autres, du corps vital, votre système nerveux. Puis, c'est pour ça qu'on va parler d'être magnétisé par l'astral. Puis après avoir les mises en vibration par l'astral, ça, c'est quand vous nourrissez vous-même inconsciemment avec votre force vitale, c'est-à-dire à travers les émotions, entre autres, le système nerveux va nourrir des phénomènes. Mais c'est magnétique. C'est magnétique. L'astral, là, les phénomènes de l'âme, là, c'est magnétique. C'est lié aux aspects magnétiques. Tandis que les phénomènes de l'esprit, les phénomènes, les fulgurants, ça, c'est psychoélectrique. C'est électrique, ça. Ceux qui sont intéressés, là, certains aspects de l'hindouisme, il y a quelque chose de lunaire lié à l'âme, puis à votre corps, qui est magnétique, puis par rapport à votre force vitale, votre source de vie, votre esprit, ces phénomènes-là, ça, c'est électrique. Puis l'incarnation, le vivant, ça, c'est électromagnétique. Donc, c'est normal que. Des drôles de sensations depuis quelque temps. J'ai comme des frissons ou électrisation du corps. J'ai l'impression que c'est en lien avec de fortes magnétisations. C'est pas probablement. Possiblement. Mais d'un autre côté, ça peut être parce que vous rendez comme ça une énergie qui ne l'est pas nécessairement à la base. Peut-être qu'il y a moyen de convertir ça, puis d'avoir de la force vitale plus à la place, au lieu d'avoir des phénomènes comme ça, là. C'est pour cela que des fois, on pète les plombs quand c'est électrique, moi. Ben, il y a aussi le fait que c'est un peu comme si vous prenez de l'énergie qui doit passer dans des réceptacles. Des fois, ça passe plus, il y a un blocage, puis il faut casser le réceptacle pour que ça se déverse dans le reste de la structure. Là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, ça passe pas, il faut que ça casse. Puis des fois, ben, péter les plombs, oui, ça peut... Il y a des choses que j'aurais jamais réglées dans ma vie si je m'étais pas mis en colère. C'est la colère que j'ai convertie en volonté. La colère, c'est de l'énergie, c'est de la force vitale. Si on prend les vieilles religions abrahamiques, c'était le pire péché, hein, la colère. Pourquoi? Parce que l'être humain, il doit devenir créatif. Il faut qu'il convertisse à mesure. Il faut qu'il soit quelque chose d'actif, qui est capable de convertir. Donc, oui, des fois... La conscience existe-t-elle en dehors de la matière? Ça, c'est délicat. On peut aller voir plus loin ce que vous dites. Si c'est juste ici, la source serait donc juste une grosse boule de potentiel, mais encore plus bête qu'une bactérie, les entités des programmes. C'est parce qu'il faut faire la différence entre de l'intelligence et de la conscience. Il y a de la conscience, ça c'est incarné. C'est-à-dire qu'il faut concentrer la lumière, si vous voulez, ça prend une lentille, ça prend un ego, si vous voulez, sans considérer que l'ego est la source de la conscience. Mais s'il divise l'intelligence universelle puis engendre de la conscience individuelle, l'intelligence existe en dehors de l'ego. Il y a de l'intelligence en dehors des corps, il y a de l'intelligence. L'univers est intelligent si on veut. Mais de la conscience, moi, pour moi, là, si je vous réponds franchement, là, de la conscience en dehors de la matière, moi, à mes yeux, de la conscience, c'est vivant. C'est vivant, puis il faut que ce soit, incarné. Si on veut diviser, c'est par l'incarnation qu'on divise l'énergie. D'ailleurs, l'âme inconsciemment divise la lumière, d'où les phénomènes, ce qu'on pourrait appeler de coloration. De la subjectivité dans l'ego au niveau des forces de l'âme. Il va avoir de la coloration, il va avoir de la pensée colorée. Pourquoi? Parce que la lumière, l'âme, en tant que forme inconsciente à travers l'ego, va diviser la lumière. Mais il reste que ça crée de la coloration, les émotions, certains aspects du vital, mais vous avez de la conscience, ça prend un ego, c'est-à-dire l'ego lui concentre de la lumière s'il n'est pas trop pollué. S'il n'est pas trop pollué, là, ça devient un petit point lumineux. Là, c'est de la conscience, c'est de l'individualisation de l'intelligence universelle à travers le processus d'incarnation. Je le vois comme ça. En tout cas, ça m'a été aussi transmis comme ça. Mais il n'est pas dit que c'est peut-être naïf ce que je dis là. Donc, vous parliez du sommeil. J'ai exploré le sommeil éveillé. J'arrive pas toujours, mais le monde intérieur semble très stimulant et parfois aussi réel que l'état de veille. Qu'en pensez-vous? Oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas réel. C'est une copie ou une reconfiguration. C'est sûr que c'est stimulant parce qu'on donne forme à des... Il y a toutes sortes de choses. Hein? Il y a des... Mais l'être humain, il va être porté à donner forme à des phénomènes qui n'ont pas de forme. Donc, au niveau du monde intérieur, comme l'autre, qui nous parlait, une vision de Saint-Jean-Baptiste. Ça peut être bien des choses. C'est une forme qui a été mise. Puis là, ça crée un stimuli. Puis là, il va y avoir la mise en vibration d'aller se faire baptiser. Mais peut-être que c'est correct. C'est du cas par cas. C'est pas un jugement, mais c'est juste pour dire le monde intérieur. C'est certain qu'il va être stimulé à l'être humain, il est stimulé qu'il s'en rende compte ou pas à travers la conversion interne de ce qu'il vit de l'externe. Il faudrait à un moment donné expliquer ça, les mécanismes de subjectivation de l'énergie qui passe à travers l'ego. Il faudrait à un moment donné regarder ça. Vous m'avez enlevé des doigts, j'allais écrire volonté, ben oui. L'énergie de la conscience, mais ça venait de vous, hein, la question, donc la réponse aussi. L'énergie de la conscience est comme la lumière dans Dragon Ball. Ça, je pourrais pas dire, je suis pas fan de ces affaires-là, là, les mangas, là, ces choses-là. J'ai beaucoup d'affection pour la culture coréenne et japonaise, au sens de ce qu'elle était avant que les Américains viennent. Je suis pas fan. Pour moi, ça, c'est les aspects que j'aime pas du Japon. Puis là, c'est leur pollution à eux, ces niaiseries-là. Je dis pas ça méchamment, là. Mais Dragon Ball Z, c'est pas ça, là. C'est des mangas, là, des petits bonhommes. Moi, à mes yeux, ça fait partie de l'américanisation du Japon. Quand il y a eu, les Américains sont allés occuper le Japon, ils ont amené des bandes dessinées qui existaient déjà depuis les années 30, le Superman, ces choses-là. Puis à cause de le côté, il existait déjà au Japon des romans illustrés avec, vous savez, les dessins sont imprimés avec des plaques de bois. Et ça existait déjà dans la culture japonaise, mais là, il y a eu une américanisation, puis est arrivé les mangas, puis ces choses-là. Puis je considère que ça fait partie de la pollution chez les Japonais. Mais l'énergie de la conscience, puis la conscience, est-ce que c'est la même chose? Là, ça devient. Parce que la conscience, ça va être lié à une certaine. Non, je dirais que non. Ça me dit que non. Mais bon. Mais ça, Dragon Ball Z, là, on n'avait pas ça au Québec, des affaires de même. On avait notre pollution à nous aussi qui venait du Japon. Mais nous, vu qu'on est une société qui était très catholique, c'est des petites choses naïves qu'on recevait du Japon. Le petit castor, Hachi, ça, le petit moucheron, c'est une abeille, je sais plus. Dans le fond, c'était pire. C'était pire. Hachi, il se faisait un ami à chaque épisode, puis à chaque épisode, son ami mourait. Très japonais, quand même. Mais bon, on a été préservés de ça, le Dragon Ball Z, ces affaires-là. C'était niaiseux, nous autres, ce qu'on recevait. Quelle serait la différence entre la souffrance d'un humain et celle d'un animal à part l'ego? Il y a l'intellect. L'animal n'intellectualise pas sa souffrance, donc il l'amplifie pas. L'être humain, lui, il va être mis en vibration par sa souffrance, il va amplifier sa souffrance par l'intellect. Ça devient une loupe. Si vous pensez à votre douleur, vous allez souffrir plus. Il y a juste l'être humain qui fait ça. Les animaux font pas ça. Donc, c'est la grosse, grosse différence, là. Un truc que je ne comprends pas, pourquoi les initiés élites sataniques ont-ils si peur de la mort? Ben pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés de leurs sources. Ça fait partie du mensonge luciférien qui est la promesse des mortalités dans la matière. Vous serez comme des dieux. C'est pour ça qu'ils ont peur de la mort. L'ego, ça meurt, ça. Mais eux autres, ils sont rien d'autre que de l'ego. Ils n'ont pas de connexion avec leurs sources. C'est des initiés dans le sens planétaire du temps, c'est des initiés de la connaissance. C'est leur instinct de préservation animale qui est un phénomène animique. Puis c'est sûr et c'est normal qu'ils ont peur de la mort. Ils la traverseront pas. La mort, jusqu'à un certain point, à un moment donné, ça va devenir un certain moment où la planète va avoir. Ça va devenir un feu. Il y en a qui vont brûler au complet parce qu'ils sont rien d'autre que de l'ego. Il restera rien. Ils peuvent même avoir peur, mais aussi c'est un instinct de préservation. Au fond, c'est des animaux. D'une certaine façon, ils sont pas bien, mais puis même les animaux n'auront pas peur de la mort, mais je veux dire, c'est des animaux psychologiques. Donc, c'est normal qu'ils ont peur de la mort. Ben, c'est l'ego, ça meurt, ça. Ils n'ont rien d'autre. Aussi l'obsession de rester jeune. Puis voyons, pour rester jeune, c'est pas compliqué. Mais il faut accepter les lois de la vie. Sinon, on fait partie de la mort, on va y aller, on va y rester. Bonjour pour. Apprendre à peindre Van Gogh, copier des estampes japonaises, oui. Ouais, vous savez, dans les années 1900, puis c'est pareil pour l'autre, là. Comment il s'appelait, là, le petit bonhomme disgracieux, là, qui faisait des affiches. Voyons, il traînait d'un cabaret puis d'un bordel, là. Toulouse-Lautrec. C'est un autre, ça, qui était magnétisé, fasciné par les estampes. Le processus d'individualisation me semble analogue à devenir pleinement adulte. À devenir pleinement. Une fois adulte, on voit de la naïveté partout. C'est cute chez un enfant, mais pour une madame de 70 ans, moins. Moi-même, ça peut être attendrissant. Puis bon, on est censé avoir un élan protecteur chez les gens vulnérables, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. Puis bon, je suis correct. Hachi, le petit prince orphelin. Oui, c'est ça. Si tu parles d'une affaire à montrer à des enfants, je veux dire, à chaque épisode, c'était triste. Il se faisait une amie, puis l'ami mourait. Puis il me semble, à la fin, il retrouve sa mère, puis elle le mange. C'était ça de méthane aussi, me semble, la petite grenouille, là. Peut-être qu'on a eu le pire, au fond, de ces choses-là. On n'a pas eu Dragon Ball au Québec, on n'a pas eu ces affaires-là super violentes. Des fois, là, comme c'était quoi l'autre, là? Ken le survivant, je ne sais pas trop. On n'a pas eu ça. Nous autres, on a eu les petites affaires qui ont l'air plus naïves, mais que c'est pire au fond. Je veux dire, c'était de la mort tout le temps. C'était de la mort tout le temps. Mais vous savez, dans la culture japonaise, il y a une affection pour les insectes. Ça a toujours été. Ça fait partie de ce qu'eux considèrent comme les petits peuples. Puis les Japonais aiment à s'imaginer des vies à ces petites créatures-là. C'est de l'anthropomorphisation, au fond. Quand vous parlez des initiés de la connaissance, de qui s'agit-il exactement? De quelle connaissance? Merci, la connaissance. Il n'y a pas de différence au niveau des initiés de la connaissance. La connaissance, c'est mémoriel, c'est lié à l'âme collective. C'est ça de la connaissance. C'est-à-dire, c'est pas de la connaissance, pas un savoir instantané. Donc, ça doit être transmis au niveau de groupe. C'est social, c'est initiatique, comme les religions à mystère, comme les pythagoriciens, ces choses-là, comme l'Église, jusqu'à un certain point. Les gens n'avaient même pas le droit de lire la Bible pendant un bout de temps, pendant des siècles. C'était interdit. Il fallait être dans les ordres ou il fallait avoir été ordonné. Puis c'est ça de la connaissance. C'est un groupe de personnes qui se transmettent entre eux de la mémoire, puis qui vont essayer socialement de se créer tout ça. Ça aboutit à tout ce que vous voudrez. Quelque part, le satanisme, il vient du catholicisme. Pour faire une messe noire, vous aurez besoin d'un prêtre catholique. Il faut savoir lire le latin à l'envers. En tout cas, j'aime pas ça parler de comment distinguer si une mise en expérience ou test est opérée par l'esprit ou notre mémoire. J'ai parfois l'impression que les deux sont interrelés. Oui, l'esprit va se servir de l'âme. Donc, voyez, votre intuition, à mes yeux, est correcte. Ayman Riani, ah, êtes-vous d'origine Perse? Je me trompe si je dis que la chose la plus importante est la découverte de soi. Ça dépend ce qu'on entend par soi. Parce que c'est pas. Vous savez, le développement personnel, moi, c'est pas de ça que je parle. La découverte de soi. D'une certaine façon, il va falloir à un moment donné découvrir l'aspect occulte de la vie. Ça surpasse soi, là. Le soi doit être en expansion de conscience, c'est-à-dire doit intégrer des lois. Parce que la vie devient une science quelque part, pas au sens où on l'entend habituellement. Ben bon. Hachi a brûlé beaucoup de naïveté, des méthodes aussi, attention au brochet. Ah, je ne les ai pas assez écoutés pour. Je me rappelle avoir regardé ça dans le tête, c'était toujours violent, c'était toujours triste. C'est des spéciales à montrer à des enfants. Toulouse-Lautrec, oui, je l'ai fini par le retrouver. Bon, ben, vous savez, moi, je ne suis pas fan de ces choses-là, mais bon, tu sais, vous saviez, tout est plat, puis bon, ben, c'était la mode, c'est comme l'art nouveau, c'était la mode, bon, moi, les meubles en forme de libellule, j'aime pas ça. Mais bon, ben, à mes yeux, c'est un petit peu des artistes puis des hippies de leur temps, ça. Puis des drogués, ça tripait sur l'opium, entre autres, puis il y a eu l'odanum, puis un paquet de nouvelles affaires. Les apothicaires faisaient des belles affaires. Marie-Thérèse, bonjour, on dit que toute forme d'art, c'est juste de l'astral. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Mais l'art, là, juste pour l'expression de l'âme, puis moi. Puis on dirait que c'est de plus en plus ça. Je veux dire, regardez les artistes de maintenant. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Ça n'a pas de bon sens. Des fois, je devrais prendre des notes, mais bon. Démethane et Renatan. Ah, je ne sais pas. Comme je vous dis, je passais. Moi, quand j'étais enfant, mes émissions préférées, c'était les téléromans de Guy Fournier, puis des émissions d'affaires publiques. Puis j'ai été un gros, gros fan de. Les téléromans de Victor Lévy-Beaulieu. Ils savaient combattre une certaine hypocrisie. Ben, plus que Fournier. Là. Fournier, ben, c'est correct que j'ai écouté les téléromans de Guy Fournier étant enfant parce que c'est le niveau d'un enfant. Mais il reste bon, je n'ai pas bien écouté de petits bonhommes là, pour être franc avec vous, mais je me souviens bien de la dégénérescence physique de notre leader. Ah, donne-moi. Face fondue et pustule, ah, vous parlez de Legault. Est-elle attribuable à une certaine corruption intérieure? Oui. Ben oui. Vous savez, en France, il y a un père deux, trois fois sur YouTube, ce français-là. À un moment donné, j'ai rêvé de lui. Puis dans mon rêve, c'est un vendeur de drogue, puis il était couvert de pustules. Puis quelque part, c'est un peu comme si certaines intuitions me confirmaient ce que je ressentais. Que c'était juste de la pollution. Puis oui, je vois un lien entre. Il peut y avoir un lien à mes yeux entre certaines infections cutanées puis une pourriture de l'arbre. C'est-à-dire que au niveau de. Si on prenait quelqu'un comme ce qu'on a appelé entre guillemets dans le passé des saints, il y avait un magnétisme tellement fort que leur contact désinfectait les plaies, par exemple. C'est des phénomènes magnétiques. Il y a de la force vitale, entre autres. C'est électromagnétique, entre autres. Bien, c'est sûr que si vous êtes déconnecté de votre source, puis vous pensez rien qu'à vampiriser votre prochain, puis que vous n'avez aucune empathie, puis que vous êtes des psychopathes, ça se peut que au niveau les phénomènes psychoélectriques, les phénomènes liés à le magnétisme vital du corps, les aspects électromagnétiques du corps, ça se peut que vous perdiez des protections, surtout si vous prenez de l'alcool, puis bon. C'est certain qu'il y a du monde que leur principal loisir, c'est d'aller dans des maisons closes, puis de fumer des cigares, puis de boire du fort. Puis c'est sûr que c'est pas bon, là. Il va y avoir une cristallisation dans la matière de ce qu'on pourrait appeler les flétrissures de l'arbre. Ce qu'on appelle anciennement les flétrissures de l'arbre. L'opium et l'absinthe, ben oui. Ben l'opium a pu être utile quand c'était le temps de faire certaines opérations. C'est mieux d'être comme. Voyons, c'est quoi l'éther? Pas l'éther, l'éther, mais l'éther, l'éther. Quelques petites gouttes de. Vous savez, l'absinthe aussi, l'absinthe, c'est dangereux pour les os s'il y a une consommation continue. Mais l'absinthe, moi, j'en ai. Je ne parle pas la liqueur, je parle la plante. J'ai la plante. Pour certaines choses, l'absinthe est très efficace. Moi, je suis pour la légalisation de l'absinthe. Pourquoi? Parce que je pense pas que ça cause des ravages comme ça en a causé. C'est devenu un loisir très niché, si on peut dire, la petite fée verte. Mais j'ai déjà bu de l'absinthe. C'est légal au Québec. L'absinthe est légale au Québec. Puis on a accès à des choses de bonne qualité. L'opium, vous savez, il y a une affaire, ils appellent ça du Black Bombay, c'est du haschich mélangé à de l'opium. J'ai vu ça passer dans le temps, bout de temps. Mais l'opium, le problème, c'est les défauts de volonté de l'être humain, son incapacité, son aspect animal de renforcement positif-négatif, le centre de récompense dans son cerveau, tout ça, soit ça développe la volonté, soit ça la tue souvent. Donc, quel est ton point de vue sur le quantique? Ça vient confirmer certains instincts, certains. Mais je suis pas versé dans ces choses-là. Savez-vous c'est quoi qui va avoir qui mes vraies passions? Je trouve la physique puis ce qui est scientifique, j'ai jamais eu vraiment d'intérêt. Ma vraie vraie passion, qu'est-ce qui va avoir été les vrais amours dans ma vie? Ça va avoir été des choses, des connes, comme par exemple. certaines vieilles recettes de cuisine, certaines vieilles techniques, le jardinage, des choses comme ça. Puis j'ai jamais lu sur la physique quantique. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. J'ai lu toute l'encyclopédie de Jehan Benoît. Ça m'intéressait. Ça, c'est le fun. Je suis quelqu'un qui est dans la matière beaucoup. Puis bon, la physique. Pour moi, à mes yeux, peu importe la nature à ce niveau-là par rapport à l'intellectualisation des physiciens de l'énergie de la matière, ben, pour moi, je pense que ça ne change rien. Puis aussi, étant donné que certaines capacités, au niveau de certaines capacités très intéressantes, vont se manifester chez des gens très simples, parfois des illettrés comme des bergers, entre autres, j'ai toujours été un grand lecteur à certaines époques, mais j'intellectualisais pas trop. Je veux pas devenir quelqu'un qui vit juste dans les concepts intellectuels de l'esprit, donc je me suis tenu loin de ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est pointu. Parce que je voulais garder une certaine simplicité. Puis j'ai pas envie de me casser la tête non plus, puis me mettre à lire Planck, puis ça m'intéresse pas vraiment. Donc, quel est mon point de vue sur le quantique? Ça vient confirmer certaines intuitions. Mais c'est tout. Je veux dire, ça n'a pas vraiment de. J'ai pas vraiment de point de vue. C'est mieux que la morphine ou le tramadol, en tout cas. Ouais, ou d'autres dérivés, là. Vous avez vu la crise des opiacés? La plupart de ces opiacés-là de synthèse sont faits en Chine, qui, eux, se souviennent de la guerre de l'opium. Vous voyez, là, j'en avais parlé à un moment donné. À mes yeux, il y a là une évidence. Il y a une stratégie. C'est très intelligent, entre guillemets, la part des Chinois. C'est intelligent au sens stratégique. Est-ce que c'est intelligent au sens intelligent, là? Non. Mais il risque, bon. Bon, en tout cas, bonjour, Marius. Jeanne Benoît fut la pionnière de l'art culinaire au Canada. Oui, malgré que les Canadiens français avaient déjà une cuisine qu'ils avaient héritée de certaines régions de la France, qui était une cuisine du 15e, 16e siècle, qui est peut-être un petit peu trop riche pour maintenant. C'est difficile à digérer. Je ne sais pas ceux qui connaissent la tarte aux suifs, ces choses-là, là. Mon estomac s'en est jamais remis. Mais il reste que, oui, Jeanne Benoît. Jamais compris ce qu'il faut. C'est toujours que Jehan Benoît. Mais oui, c'est notre dame de la cuisine au Québec. C'est la Maïté des Québécois. J'aime beaucoup. Dans le temps, j'écoutais, dans le début des années 90, j'écoutais beaucoup la cuisine des Mousquetaires, puis j'étais tellement content plus tard quand je l'ai retrouvé sur YouTube. Parce que j'aime bien plus Maïté que Jeanne Benoît. À mes yeux, la vraie cuisine, c'est ça. Les affaires moléculaires, ça m'intéresse tellement pas. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai plusieurs formations dans ce domaine-là. Puis c'est étrange, hein? Mais tout ce qui est tendance, je me suis rendu compte que j'étais au niveau du culinaire à une sorte de réactionnaire. Et que je détestais. Je détestais la nouvelle cuisine. J'ai horreur de ça. Même au niveau de certaines nouveautés, j'avais beaucoup apprécié, par exemple, la cuisine japonaise. Mais la cuisine japonaise, formelle de tous les jours. Les affaires californiennes, puis je suis pas capable, je trouve ça sans intérêt. C'est la cuisine du peuple, moi, que j'aime. C'est la grosse cuisine sans mesure, puis faite à la bonne franquette, puis en tout cas, j'ai de la misère avec ce qui est trop. C'est un peu comme au Québec, on a tué une certaine partie de l'âme québécoise par un excès de piété. De la même façon, on peut tuer la cuisine par un excès de raffinement. Ça vient du peuple, la cuisine. Ça vient d'en bas, pas d'en haut. C'est important que les tendances viennent. En tout cas, je ne vais pas me lancer là-dedans, là. C'est ma nouvelle passion. Je jardine et j'ai commencé la déshydratation et la fermentation. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Oui. Oui, moi aussi, la fermentation m'intéresse beaucoup. Vous savez, les vieux pots chinois pour les haricots fermentés ou les pots coréens. Il y a la même chose pour les Allemands. La choucroute, les espèces de cruchons. C'est vrai que c'est très intéressant. J'ai jamais eu peur, moi, des micro-organismes. Au contraire, je veux vivre en symbiose avec eux. Donc, j'ai eu un certain intérêt pour la fermentation. Il y a là la clé d'une vraie hygiène de vie, dans le sens que pourquoi l'être humain succombe à des infections? Parce qu'il se fragilise. Comment ça se fait qu'on a des enfants maintenant allergiques à tout? Et puis, vous pensez vraiment que les gels hydroalcooliques, ça va nuire, voyons. C'est l'évidence même. Bonjour, grand plaisir de saisir indirect. Ah, ben bonjour à vous. Je vais devoir cesser vers 9h15, c'est-à-dire dans une vingtaine, 20 minutes, une demi-heure. Bonjour, l'hémochisme. Je ne parviens pas à trouver du thé noir au litchi. Mais, ah bon. Un instant. Je suis certain que vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur eBay, puis qui livre, que vous pouvez en avoir partout. C'est hop, bon. Voyez, c'est quelle marque ça? Le voile en or, en fait, c'est le vaisseau d'or, Golden Seal. C'est parce qu'ils écrivent, ils traduisent voile en or, mais comme souvent, les Chinois traduisent très mal, ils ont de la difficulté à comprendre. Mais c'est Golden Seal, le vaisseau d'or, comme Neligan, la marque. Puis, très bonne qualité. Puis, les thés chinois, habituellement, je ne mets pas de lait dedans. Mais celui-là, si vous le faites fort, puis vous mettez du lait dedans, il est excellent, étrangement. Je ne parle pas de physique quantique. Le quantique, de manière générale, se rapproche en beaucoup de points du supramental. Voir les vidéos YouTube de Christophe Charest. Oh, je ne connais pas. Mais vous savez, c'est le quantique, vous parlez par rapport au quanta. Le supramental, c'est un phénomène de captation consciente d'intelligence qui vient en dehors de l'ego, entre autres. C'est une vibration. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Mais oui, ça peut être intéressant. Le kimchi. Miam. Oui, j'aime aussi beaucoup le kimchi. Ben, il y a des endroits à Montréal, des petites épiceries coréennes. Il y en a d'excellente qualité. Mais le mieux encore, ce serait de le faire. Mais je n'ai pas les genres. J'ai pas les genres pour. Puis, il faut prendre du chou, le frotter avec du sel. Il faut faire venir la poudre de piment de Corée, mais j'ai du piment coréen. J'en ai. Mais j'ai jamais osé faire fermenter du chou moi-même. Il faudrait que j'étudie la question plus. Mais moi aussi, j'aime beaucoup le kimchi. C'est vraiment excellent. Quelle est l'influence du taux vibratoire terrestre sur le niveau de conscience de l'humain, principalement au Québec? Ah. L'influence du taux vibratoire terrestre, c'est certain que c'est interrelié. Vous savez, au Québec, il y a beaucoup de métaux et d'eau dans le sol. Donc, prenez Jeanne Mance. Les visions de Jeanne Mance. Elle avait décrit à Paul Chomedey des choses avec une exacte précision. Donc, elle est en communication à distance avec le vibratoire du lieu. Donc, pas trop géographiser les phénomènes non plus. Le problème avec le Québec, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un mandat particulier. Est-ce que c'est lié tant que ça au sol? Et puis, je le sais pas. Mais bon, en tout cas. Mais oui, il y a une influence. Mais c'est clair que la Terre nous influence plus qu'on le pense, beaucoup plus qu'on le pense. Il y en a déjà par rapport à la pleine lune, ils vont dire, ouais, mais la lune, même quand elle n'est pas pleine, elle est là pareil. Pourquoi l'influence n'est pas pareille? Ben là, ça, c'est mal comprendre l'aspect photonique, magnétique, électrique de certains phénomènes liés à la lumière réfléchie, puis au magnétisme des corps. célestes, comme terrestres, comme vous. Vous êtes des petites planètes, l'être humain. Le principe microcosmique, puis macrocosmique, puis le cosmique, c'est quoi? C'est toutes les lois qui font que c'est interrelié. Donc, capture d'écran. Ah, pourquoi? Ah, pour l'été. Ah, bon, ben, de rien. Le vaisseau d'or d'Émile Milligan est un de mes poèmes. Des poèmes jamais écrits. Ah, je sais pas. Mais je sais juste qu'on nous avait forcés à lire ça à l'école. Puis moi, j'étais pas fort sur Néligan. J'étais pas vraiment là. J'ai jamais été fort sur. C'est juste pour créer, pour s'en souvenir, là, que le vaisseau d'or, là, le Golden Seal. Mais moi, j'aime bien de Nerval. C'est le seul poète que je trouve vraiment. Mais bon, j'ai pas tout lu non plus. Connaissez-vous les vortex? Ça dépend ce que vous entendez par là. Vous parlez des portes. Savez-vous que vous avez vous-même des vortex? Le plexus solaire, puis. Il va falloir à un moment donné que les gens soient ramenés à eux. Qu'ils arrêtent d'être mis en vibration par de l'extérieur. On nous a fait croire au niveau de l'éducation que la subjectivité venait de nous, puis l'objectivité venait de l'extérieur. Ça fait partie de ouais, en tout cas. Et chimique, c'est cosmique ou astral. Mais non, mais là, c'est lié à des lois de la matière, des lois structurelles. On est dans le systémique avec le chimique. Si vous voulez les clés de ça, c'est ça le plan de savoir. Le statut du Québec ne lui vient-il pas du bouclier géologique canadien? Il y en a qui pensent ça. Mais si c'est le cas, moi, je suis à la partie la plus élevée, la plus dense, la plus épaisse de ça, là où je vis. J'habite vraiment sur la pointe du bouclier canadien, là où les eaux se séparent. C'est-à-dire que je suis très au-dessus du niveau de la mer. Puis il y a énormément d'eau et de métaux sous moi. Et même j'habite une région géographique où il y a des mines d'or verticales, énormes. Puis, en tout cas, j'aime beaucoup. En tout cas, veux-tu développer sur les aléphes? Bon. Les aléphes, c'est quoi ça? Moi, je vais dire l'aléphe. L'aléphe. L'aléphe, c'est un principe de multitude dans l'unité. Et c'est aussi on pourrait parler même du quantique par rapport à l'aléphe. Ce qui fait que tout est interrelié. C'est lié aux lois d'infinité qui vont engendrer ce qu'on va appeler des principes cosmiques. Comme par exemple, principe de l'amour. Ils vont parler de l'aléphe de l'amour, principe de l'amour. C'est ce qui fait que tout est lié par des lois de sympathie au niveau de la mécanique vibratoire, entre autres. Donc, les aléphes, c'est des reflets de lois cosmiques, de lois d'infinité à travers des principes. À travers des principes, parce qu'on vit dans un monde où il y a des accidents, il y a des collisions, il y a des événements, si on peut dire. On est dans l'événementiel où l'énergie devient du spatio-temporel, puis ça vient engendrer l'événementiel. À notre niveau, ça va engendrer l'expérimental planétaire, puis il y a des lois à travers ça d'infinité qui s'expriment à travers des principes. C'est ça, les aléphes. Mais à la base, l'aléphe, c'est un principe de multitude dans l'unité. C'est toujours comme ça que tout est lié, si vous voulez, ou c'est un peu comme si on arrive à un niveau de... C'est le côté fractal des lois universelles. Comme Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. On disait qu'il contenait tout l'alphabet. Vous voyez, là, c'est un peu ça, l'Aleph, ces principes-là. Donc, est-ce que l'Aleph est comparable d'une certaine manière avec les sept principes hermétiques? Oui, mais c'est de la connaissance, ces affaires-là, dans le sens... Même si vous lisez tout l'hermétisme, comme puis vous tombez dans des choses plus mystiques, certains aspects comme Jacob Boyle, puis Vous allez vous rendre compte c'est quoi de la connaissance, puis pourquoi est-ce qu'on a développé chez certaines personnes un certain dédain. Vous allez vous rendre compte que c'est bien beau, mais c'est dans la vie de tous les jours, là. Est-ce que l'endroit physique où nous habitons favorise la réception du supramental? Je pense, Rapo, je pense que c'est surtout lié au mandat d'une personne dans sa programmation, entre autres. Donc, Aleph, c'est aussi arabe, ben oui. Pourquoi? Parce que ça vient du phénicien. C'est sûr, c'est certain. Vous pensez que les cultures sont apparues de même? Que l'alphabet est apparu de même? Qu'il n'y avait rien avant? On est tous cousins. C'est pour ça qu'on parle, il y a une race en ce moment, la cinquième. Bien, il y a la sixième aussi, mais il y a même la quatrième encore. Mais je parle au niveau de la civilisation sur Terre actuelle, sur des cycles de 20 000 ans. C'est sûr que c'est aussi arabe. Dans le fond, c'est ni arabe, ni hébreu, ni phénicien. C'est cinquième race racine, humain, planète. Les affaires d'Aleph, puis d'alphabet, puis bon. Prenez l'arabe écrit. C'est une écriture très végétale. Ça s'étend comme des racines dans le sol, puis là, il y a des petites pousses. Puis prenez le chinois. Il y a quelque chose d'électrique, comme des étincelles. L'hébreu, c'est comme du feu. C'est comme écrit du feu. L'univers, c'est un feu. Ça a été écrit avec du feu blanc sur du feu noir. C'est ça qui est dit dans les textes. Puis le latin, l'alphabet latin, ben, c'est comme une affaire en pierre taillée, là. C'est très cristallisé, disons. Mais ça vient tout de la main des mêmes. Connais-tu Colin Chabot et son travail? Non. Ben, comme je vous le dis, moi, je ne suis pas un intellectuel. Je suis pas un. C'est pas. C'est même, je dirais, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'être des. Il y a des choses qu'un berger analphabète va savoir d'instinct. Donc. L'hermétisme, finalement, on fait compliqué avec ce qui est simple, c'est ça. Ben oui, c'est quoi? Les sciences hermétiques, pyrmétiques par rapport à Hermès ou par rapport à fermer, à des groupes initiatiques fermés, hermétiques dans le sens de fermer. Ça dépend là, de quoi on parle. Tu as parlé de sensibilité aux ondes et de l'impasse de la fuite, J'expérimente, stimulé par la douleur dans la tête et les oreilles. Comment saisir la limite entre les progrès et les dommages? Ça, je ne pourrais pas dire, c'est du cas par cas. Mais si vous développez un contact interne, vous pourrez toujours le demander, leur demander. Puis là, par rapport à ce que vous avez répondu, après, vérifiez. Par rapport à. C'est là que, bon. Aleph, c'est le système qui s'enseigne lui-même. Ben oui. Ben oui, mais c'est juste tout est en tout. C'est sûr que ça fait partie du systémique. C'est le 1 qui contient l'infinité. C'est le retour à 1, un plus gros. Mais il y en a l'infini, les des lois d'infinité. Salut, bonjour à tous. Salut, Steve. Oui, ben l'affaire. Ça, je ne sais pas comment ça se fait que c'est apparu dans le supramental des notions liées anciennement à la cabale. Mais je pense que c'est une affaire de mode. C'est une affaire de mode. Pourquoi? Parce que Bernard a commencé son affaire en 76, après il y a eu les années 80, puis c'était des choses à la mode. Bon. Mais il reste qu'il aurait pu le parler autrement sans pas user ce terme-là. Ben oui. Qui habite la Lune? Qui habite l'intérieur de la Terre? Je vais être franc avec vous, je m'en fous. Je ne sais pas, puis je m'en fous. Swedenborg, il avait son idée sur qui habite la Lune. Moi, ce que je constate dans ma vie, c'est certains effets du sublunaire sur le psychomatériel. Mais je ne me suis jamais questionné. Qui habite la Terre? Ben, à l'intérieur de la Terre. Moi, les affaires d'intraterrestres puis tout. Moi, ben, je vous dirais que tant que vous n'aurez pas de contrat écrit avec ces êtres-là ou que vous n'aurez pas, ils vous devront pas quelque chose, n'y aura pas de dette entre vous. À quoi ça sert de savoir? Je veux dire, qui habite la surface de la Terre? Ça, c'est intéressant. L'être humain, il ne sait même pas qui est qui. Bon. Donc, qui habite la surface de la Terre? Ça devrait être ça. Pourquoi est-ce qu'on se demande qui habite l'intérieur de la Terre? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Je ne vois pas l'intérêt de... Maudit que ce voisin-là est fatiguant. Il m'a dérangé une partie de la nuit, d'ailleurs. Maudit du monde qui se sépare, mais qui s'astine toute la nuit dans le même lit. J'ai bien de la misère avec ça. Est-ce que, par l'intelligence qui vous traverse, vous allez écrire des livres un jour? Je ne le sais pas. Aucune idée. Ça me dit que oui. Pourtant, j'en ai pas l'intention. Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs races d'êtres humains. Ben non, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs cycles. C'est quoi une race racine? La Terre vit des cycles. C'est ça qui fait qu'il y a plusieurs races d'humains, entre autres. Entre autres. Donc, pourquoi qu'il y a plusieurs races? Parce qu'il y a plusieurs cycles. L'être humain n'est pas un être fixe. C'est un être en évolution. Pas au sens darwinien. C'est-tu qui est fatiguant, ce gars-là? Je t'avais d'aller dire en personne, d'ailleurs. J'ai l'impression que l'hermétisme, la franc-maçonnerie, etc., sont des outils de contrôle de la connaissance. Et en étudiant ces sciences, on peut réaliser qu'au fond, on le sait par soi-même. La force, c'est que il y a le petit véhicule et le grand véhicule. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça marche par initiation. C'est un peu comme le principe la gaimétria, c'est-à-dire vous allez cacher une information dans une forme qui est au niveau de la surface de la forme puis des connaissances du commun des gens. Il va y avoir un message caché, secret dedans, qui est réservé à ce qu'on pourrait appeler une élite de la connaissance, des gens qui sont initiés à ça. Donc, il y a tout le temps un double langage, un double sens, un dingue. C'est la particularité, si on peut dire, du luciférisme inconscient qui ne se voit pas lui. C'est-à-dire qu'on a affaire à du reflet. Le reflet dans le reflet. Puis, vous vous souvenez, là, la légende de Narcisse qui s'endort en contemplant son reflet? Demandez-vous pas pourquoi les gens, quand ils atteignent un certain niveau, niveau social, entre autres, ils sont narcissiques. Ils l'étaient à la base. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là, là, même quand ils ont atteint tous les degrés, même quand ils sont rendus, ils pensent qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir. C'est toujours la preuve d'une grande ignorance. Même là, ils sont obligés de se faire... faire des transfusions de sang, puis rendus à 80 que sont laids. Quand ils se rendent, là... Puis c'est pas pour rien qu'ils sont obsédés par l'idée de pas mourir. Moi, mourir, je m'en fous. Je suis pour des forces de vie, puis tout, mais c'est pas moi qui mène. C'est pas mon ego qui mène. Lui, il va mourir. Il n'a pas à se préoccuper de ça. Je ne sais pas vous voyez là, ce que je veux dire. Mais bon. Moi, je pense plutôt à la colère d'Achille. Ah. Moi, dans cette histoire-là, ce que je trouve le plus significatif et le plus intéressant, c'est... Cassandre. C'est elle qui se fait mettre en prison. C'est quoi le savoir? C'est ça que je veux dire. Cassandre, elle sait, puis elle sait pas. C'est-à-dire, elle dit ce qu'elle sait, puis à cause qu'elle dit ce qu'elle sait, peut pas l'empêcher, puis on la prend pour une fois. Donc, c'est ça, là. Il a choisi sa journée, lui. Car, est-ce que je t'écœurerais? Mais ça devrait achever... Ben vite. Mais bon. Comment la. OK, j'ai sauté des choses. Comment vérifier la réponse du contact interne? C'est-à-dire, il faut qu'il vous donne des. S'il est honnête, il va vous donner des réponses que vous pouvez vérifier à un moment donné. Si c'est invérifiable, est-ce que c'est vraiment utile pour vous? C'est une question de discernement. Moi, j'ai remarqué une chose. Si je crois. Si je crois trop fortement, si j'ai trop confiance, je me fais bullshitter, puis je me fais donner de l'inutile. Ça, c'était parce qu'il faut développer mon discernement. J'en manque, semble-t-il, au niveau justement du vibratoire. Le discernement vibratoire. Donc, d'être capable de vérifier par la vibration, à un moment donné, ça se développe, ça. Puis, à un moment donné, vous allez le savoir en dedans. Vous allez dire, ça, c'est ça. Puis, vous allez être sûr. Puis, il n'y aura pas de doute possible. Mais ça, peut-on donner un prénom au contact? Si vous voulez, mais là, je trouve ça un petit peu. Est-ce que ça veut que vous lui donniez un prénom? Est-ce que ça vous a demandé ça? Oui, vous pouvez parler, genre, si ça va amplifier le phénomène si vous parlez comme si vous vous adressiez à quelqu'un, mais de là à l'anthropomorphiser au point de donner un prénom, c'est vous qui êtes incarné, là. Peu importe le nom, ça sera jamais le bon. Vous savez ce qu'on disait anciennement, quand on connaît le nom, jusqu'à un certain point, on entre dans le monde de la magie. C'est pour ça que les Égyptiens, il y avait des surnoms souvent. C'est comme certaines entités ne vous donneront pas leur nom. C'est pourquoi que chez les rabbins qui font des exorcismes, certains imams aussi, puis les prêtres catholiques, une fois que tu as le nom de l'entité, c'est-à-dire que tu as réussi à cristalliser dans une forme la vibration, la nature fréquentielle d'une force, vous avez une part partie le contrôle. Vous avez. Là, c'est plus facile de dire toi, décalisse, va-t'en. Mais qui a besoin d'une cristallisation de même au niveau de la forme? Ben, les gens qui sont dans la tradition primordiale, entre autres, parce qu'ils sont dans le monde de la forme, ils remontent pas. Il y a moyen de court-circuiter ces affaires-là avant que ça prenne forme, avant que ça soit cristallisé. Bon. C'est exactement ça pour le nom. Bon. Tant mieux, mais je comprenais mal aussi. Comment distinguer un contact spirituel d'un contact supramental? Ça n'a pas la même force ni la même vibration. Le contact spirituel, lui, il va amplifier des phénomènes liés à l'émotivité et au sentiment mystique. Le contact supramental, lui, il détruit de la naïveté puis il casse ces vieilles formes-là. Le problème avec des révélations liées au spirituel, au mysticisme, vous allez toujours avoir des possibilités de rechute ou de retour en arrière, où ça va toujours être lié à un gain ou à une perte. Tandis que le contexte supramental, vous allez voir quelque chose, ça ne s'effacera plus. Dans le sens, vous pouvez, au niveau de la forme, l'oublier, mais il n'y aura pas de retour en arrière, vibratoirement parlant, quoi que j'en ai vu. Mais c'est pas pareil. C'est pas du tout du même. Il y a quelque chose dans le supramental qui est effectif immédiatement. C'est là où on se rend compte le vrai sens de l'autorité. L'autorité, c'est pas lié à de l'influence ou à de la. C'est lié à quelque chose d'implacable, qu'il y a des lois universelles, implacables. Comme on pourrait parler même de l'autorité gravitationnelle de la planète. Si je prends 25 sous puis je le lance, il va retomber par terre. Ça fait partie des lois. C'est implacable. C'est applicable immédiatement. Tandis que tout ce qui est spirituel, puis là, on tombe dans du flou. Ça manque de clarté souvent. Il y a le côté poétique, métaphorique, le côté émotif, le côté sentimental. C'est des formes qui mettent en vibration l'art. C'est pas pareil. Tandis que le supramental, c'est tellement clair, précis, puis implacable que quand vous recevez une information supramentale, c'est tellement clair et précis que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas l'interpréter. Vous ne pouvez même pas l'interpréter. Vous ne pouvez même pas l'interpréter. Je me rappelle à un moment donné, je parlais beaucoup par rapport à parler moins de l'astral, à lui donner moins d'importance. Je m'étais rendu compte qu'il y a une espèce de jeu de dupe là-dedans. Qu'en donnant de l'importance, on donne de l'autorité, si vous voulez, parce que c'est une autorité subjective, les plans astraux, puis ça marche par subjectivité. Puis, ces semaines-là, je me suis mis à avoir une dame qui s'est même côtoyée, qui était extrêmement astralisée. Mais astralisée, là. Puis, ça n'arrêtait pas au niveau une vibration plus supramentale de me dire, regarde, là. Bien pas nous nier que ça n'existe pas. Ils m'ont mis de l'astral en pleine face pendant ça a duré, puis d'une façon violente. Là. Puis c'était implacable. Ce que je voyais, c'était implacable. Ça prêtait pas à interprétation. la fille, je l'écoutais parler, puis je regardais chez eux comment c'était décoré. Elle avait une lampe, là, Walking Dead, c'était comme une main de zombie qui sort du sol. Puis l'abat-jour, là, c'était comme des faces, des pots de face, là, genre comme Ed Gein, là, qui se faisait des abat-jours. C'était, ouais. Puis le propos qu'elle me tenait, elle me racontait qu'elle puis des amis, ils avaient mis du sang dans une poupée, puis il y avait. C'était le bas astral dans toute sa splendeur. Puis ça me disait en même temps intérieurement, envoyez, oh, l'astral, c'est pas important. L'astral, ça s'impose pas. L'astral, ça. Oui. J'avais pas le choix d'acquiescer à l'information qui venait pour corriger à mesure ce que je voyais de cette jeune femme-là. Puis de me rendre compte que oui, l'astral contrôle des gens, il les marque. Les gens contrôlés par l'astral sont marqués, souvent sont pleins de tatouages. Ils vont tout le temps avoir un petit quelque chose. C'est territorial, l'astral. Ça voudrait être incarné, donc c'est territorial. C'est. En tout cas. C'est pour cela que les filles sont très hystériques pour la plupart. Il y a de plus en plus d'hommes hystériques. Il y en a de plus en plus. Vous savez, l'hystérie, ça vient souvent d'un refoulement de certaines énergies qui sont mal canalisées, entre autres la libido, entre autres. Donc, des hommes hystériques, il y en a de plus en plus. Et même pas mal. Juste ouvrir la TV. Là, du monde qui a les animateurs, là, puis. En tout cas, il faudrait pas qu'il arrive des trop gros drames dans leur vie. Est-ce qu'une fois que la programmation a été vue, démasquée, elle devient inopérante? Pas nécessairement. C'est un peu comme un alcoolique qui sait qu'il y a un problème, mais ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de boire plus facilement. Vous voyez? Je vais être obligé d'arrêter, il est 9h15. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça a été intéressant. Bien le bonjour, je suis au travail. Malheureusement, je rattraperai l'heure plus tard, ben, pas de problème. On a toujours du temps. C'est tout ça l'oiseau moqueur que je regarde tous les jours. C'était fait une nouvelle vidéo. Les autres YouTubeurs, je ne fais même pas ça. Les nombreuses fois où je me fais abuser par naïveté, je suis à chaque fois sur le moment. Ouais. Faut-il continuer jusqu'à ce que les ressentis s'affinent? Y a-t-il des moyens différents? Ben, à force de vous faire avoir, à un moment donné, vous vous ferez plus avoir, vous allez le sentir. Ça veut dire que quand vous êtes sûr, c'est psychologique. C'est pas vibratoire. Donc, bonne journée, c'était très intéressant. Ben, bonne journée à vous. Merci. Bon, vous pouvez liker ou pas, là, j'avoue que je regarde pas vraiment ça. Merci, bonne journée à vous tous. Il y en a une qui s'en vient. Ah oui, bon. Je vais regarder ça. À bientôt, Bertolt. Bon, ben, bonne journée à tout le monde. Donc, moi, je suis COVIDé, confiné. J'ai bien fait d'arrêter de fumer il y a longtemps. Moi, malgré que ça ne veut pas dire que votre petit rhume serait pire, votre grosse grippe serait pire, là, nécessairement. Bon, ben, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Virginie. Richard. Ah, tu as changé ta petite coupe de cheveux. J'avais pas de coupe, finalement. Je les laisse pousser comme n'importe comment. Puis, ben, vous savez, c'est le printemps. J'étais tanné de me peigner. Moi, j'aime. J'haïs bien ça, me pomponner. Bon, ben, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Emmanuel. Au revoir.